Ma femme me prend la tête, elle croit toujours que je vais la tromper. 2 ans que je suis honnête, je pensais que ça allait s'estomper. Mon patron n'a de cesse toute la journée de m'humilier. En plus, je croule sous les dettes, elles ne font que se multiplier. Je me suis planté de chemin, j'aurais dû taffer à l'école. Au lieu de me prendre en main, je collectionnais les heures de colle. À chacun son destin, j'attends bêtement que le mien décolle. Seule la misère me racole. Ce soir, je vais tout oublier. Mais moi j'ai dû me planter de route. Mon GPS a dû se casser, me dirigeant droit vers la déroute. C'est la routine et l'habitude qui nous conduit jusqu'à l'ennui. Et tous ces changements d'aptitude m'empêchent même de dormir la nuit. Je préférais quand j'étais gamin, oui toujours la tête dans la lune. On t'en veut pas si tu ne sais rien et tu n'as pas de problème de tulle. Et ensuite prends place la tristesse de cette sournoise réalité. Ma vie n'est que fatalité. Ce soir je vais tout oublier. Je n'ai pas l'impression d'exister. J'ai perdu mes repères depuis que je ne fais que subsister. Si tout était à refaire, il est clair que je recommencerais. Je devrais me foutre en l'air, je me demande bien à qui je manquerais. La solitude me gagne peu à peu comme